avant dans les foules s'exalter, rassemblement de partisans, hurlant des slogans imposés. À chacun sa carte du parti, tous réunis par des promesses, on fera tout ton fanatisé, que la guerre se fera personne. Oh, oh, qui pensent pour eux, les transforment en êtres dangereux. Promesse, on croit que ton fanatisé, que la démesure impressionne.